démocratie, gouvernance, propagande, communication, numérique, information, proximité. Quel modèle de développement pour les radios du Sud aujourd'hui? Une série d'émissions proposées par Réciproc, le réseau des spécialistes en ingénierie de projets de coopération. En partenariat avec la FRANF, la Fédération des radios associatives du Nord de la France. Rendez-vous à l'espace culture de l'Université Lille-1, Sciences et Technologies, le 19 mars, pour une journée publique de conférences débats radiophoniques autour de la radio comme outil de coopération. Tout le programme, le détail, les invités, www.radiocoopération.com. Voilà, vous êtes dans l'émission La Voix sans maître sur Radio Campus Lille 106,6 MHz. Et nous allons ce soir faire cette émission un petit peu entre nous pour l'instant, parce que je suis tout seul dans le studio. Mais nous parlerons du coup, si tout se passe bien, de l'agenda politique et militant de Lille et des environs, ainsi que de divers sujets, notamment nous présenterons un livre, une traduction d'extrait du livre de Julia Serrano qui s'appelle Manifeste d'une femme trans. Nous parlerons de l'expulsion aujourd'hui de la ZAD du Tiestet contre le barrage de Sivens et des violences qui ont été soutenues par la FDSEA sur place et par les autorités locales. Nous parlerons également de l'actualité, donc avec demain et après-demain, et on espère un jour toute l'année des journées internationales des femmes à Lille et ailleurs. Nous parlerons également, si tout va bien, et nous passons des morceaux de musique qui sont en relation avec ça. Nous parlerons également un petit peu de ce qui se passe en Espagne aujourd'hui et d'une récente condamnation, ça vaut la peine de le noter, du préfet de Calais. Voilà, en attendant, on va passer un morceau de musique du groupe Refused qui s'appelle Tannhauser Dérivé. adventure. And every road becomes a thrill, because it can be. Every turn we take, and every decision that we don't make, even the decision we don't make, will bring us into the secrets of the town. Every corner we turn will lead us. Every corner we turn will lead us down the labyrinth. And every desire that we earn will guide us alive, living, loving, and searching. Et voilà, donc on est de retour dans l'émission La Voix sans maître sur Radio Campus Lille. La Voix sans maître, une émission présentée par des personnes du Centre culturel libertaire, du collectif Plancton et d'autres anarchistes de Lille, de partout et d'ailleurs. Et ce soir, il y a... Ouais, moi. Voilà, très bien. Aussi, et il y a et toi moi aussi. Aussi. Génial. Donc, très bien, on va dire quoi. On est là et qu'on va donc présenter cette émission comme chaque semaine, en commençant par l'agenda politique et militant de Lille et des environs, et en particulier du Centre culturel libertaire. Et donc on commence d'ailleurs ce soir, si vous y allez, en tous les cas moi j'irai, par venir au Centre Culturel Libertaire à dès 21h, je pense, juste après l'émission de radio. Vous prenez votre vélo, votre auto ou votre, votre basket, planche de skateboard basket. Si vous êtes à la mode. Et vous allez voir au Centre Culturel Libertaire 4 rue de Colmar, métro des Postes, 1997 EV. Donc c'est du psychédélique mantra de Sardaigne. Également de Madrid, du cello drone qui porte le doux nom de Nido Virzani. Et puis du dark ambient de Bruxelles qui s'appelle TZ2. Alors, il y a aussi demain à partir de 13h30, demain samedi 7 mars, alors à l'occasion de la Journée internationale des femmes, c'est génial comme appellation. Bref, alors demain, il y a le collectif du 8 mars qui regroupe entre autres chez Violette, qu'on aime bien, qui est une asso non mixte de meufs et qui ont un local place Neunacker d'ailleurs. Et mais bon, alors après, ce collectif réunit aussi par exemple Oser le féminisme, etc., etc. Alors, donc, ce collectif du 8 mars organise une journée qui commence par un rendez-vous place de l'Opéra avec l'intervention d'une crieuse publique. À 14h30, il y a une marche qui sera, une marche en musique avec la Batucada Oyamba qui s'arrêtera à la salle Courmont à Moulins. Donc, à 16h30, donc, est prévu l'arrivée de cette marche et il y aura des expos, un village associatif, etc. pour s'informer et discuter. Il y aura également un théâtre forum en partenariat avec le théâtre de l'opprimé qui s'appelle Les Briseuses de Silence. Et il y aura une petite soirée festive et musicale avec la chorale féministe Chauffe Marcel. Et donc elle précise qu'il y aura une petite restauration sur place. Voilà. Voilà. Eh bien, samedi également, à partir de 15h au Centre Culturel Libertaire, il y aura l'atelier surréaliste où vous pourrez faire de la musique ou un peu ce que vous voulez avec d'autres personnes qui ont envie de faire ce qu'elles veulent. De manière surréaliste. C'est ça. Et alors, dans la foulée de faire ce qu'on veut quand on veut, il y a... Alors, à l'Insoumise, 10 rue d'Arras. À 16h, donc, il y a tout est permis, mais rien n'est possible. Donc, c'est un docu de 56 minutes. Et donc, le pitch, c'est la logique libérale libertaire, concept théorisé par Michel Kluskar, conjugue libéralisme économique et libertarisme sociétal, tous deux fonctionnant en étroit rapport, tous deux représentant la même face d'une pièce. Ce docu propose de décrypter le rôle et la place des marchés de la séduction dans l'économie et disparition de la figure du travailleur de la scène médiatique, avec la participation de Jean-Pierre Garnier, JP Levaret, etc. Voilà. Donc, toujours demain, c'est une journée fantastique. À partir de 18h au Centre Culturel Libertaire, il y a une soirée de soutien à Calais Migrants Solidarité, qui est une organisation de soutien aux personnes qui tentent de passer en Angleterre à Calais, et qui est associée à No Border également, avec au programme à 18h un point sur la situation à Calais, les enjeux du nouveau centre de jour Jules Ferry, et également un compte à rebours avant les expulsions promises par les autorités à Calais des différents squats. Voilà. Et à 20h, une cantine végane qui sera faite avec en entrée salade et hummus en plat principal du dal, c'est-à-dire des lentilles, on va dire, un peu épicées, du riz et la sauce. Voilà. En fait, je pense que c'est les lentilles, ouais. Ce sera la sauce. Bref. Voilà, c'est ça. Et en dessert, des crêpes au chocolat et aux fruits, parce que j'ai acheté trop de fruits aujourd'hui pour la cantine du CCL. Et du coup, il y en aura plein pour demain. Voilà. Mais bon, ensuite, il y aura à 21h un tour de chant de l'intruse, donc un tour de chant de chansons féministes. Ensuite, à 22h, il y aura du hip-hop, Mariam et Chula. Et ensuite de la ZIC et de l'Open Mic. Alors, le dimanche 8 mars à 12h30, il y a un repas et après-midi à propos de la ZAC Pépinière. Alors, je vous lis le tract. Alors, lors de leur réunion publique du 20 février 2015, la SPL Euralil, la mairie et la LMCU ont annoncé leur calendrier pour l'îlot pépinière et ses 5 familles expropriables. La déconstruction des maisons est alors annoncée pour le printemps 2015. L'appel d'offres est plus précis et la date prévisionnelle du 4 mai 2015 est citée pour le lancement des chantiers de démolition et non pas déconstruction. Durant cette réunion publique, l'opposition face au projet était marquée. Initiée par la hauteur des bâtiments, les nombreuses critiques se sont vite élargies au manque d'aspects sociaux, écologiques et démocratiques du projet. Les représentants et représentantes de la LMCU n'ont pas manqué de se défausser de toute responsabilité quant à l'absence de prise en compte de l'enquête publique ou de concertation réelle. Pour ne pas en rester là, une nouvelle après-midi consacrée à l'îlot pépinière est prévue le 8 mars 2015, une occasion de plus de se retrouver autour d'un repas et d'autres activités pour affirmer notre soutien aux habitants et habitantes expropriables et marquer notre opposition au projet de destruction du terrain de la pépinière, ou du moins en discuter. Donc il y a un rendez-vous sur la place du Triangle Désiré Boucher, le dimanche 8 mars à partir de 12h30. Donc c'est un repas participatif, on ramène ce qu'on veut. Il y aura un stand d'info, un chamboule-tout, la musique et d'autres jeux. Le même jour, cette fois-ci à la maison de quartier Vauban, 77 rue Roland à Lille, métro-port de Lille, organisé par le Front Uni des Immigrations et des Quartiers Populaires et l'Association pour la Reconnaissance des Droits et Libertés aux Femmes Musulmanes. Donc une projection débat aura lieu en présence de la réalisatrice Sylvie Tissot à 15h dimanche. Et en l'occurrence, de quoi parlera cette projection? Elle parlera de Christine Delphi, une féministe matérialiste, également fondatrice du mouvement de libération des femmes, et voilà, donc qui a notamment eu des prises de position contre les lois sur le foulard, en démontrant que la lutte pour l'égalité ne peut pas être à géométrie variable, mais doit prendre en compte toutes les femmes et toutes les oppressions qu'elles subissent. Le documentaire s'appelle « Je ne suis pas féministe, mais » est donc de Florence et Sylvie Tissot. Ouais. Alors, donc on enchaîne avec lundi. Donc le lundi, comme tous les lundis, de 12h à 14h, il y a Cantine Vegan à prix libre au CCL. Alors, je sais plus trop ce qu'on va y manger, mais ça va être bon comme d'hab. Voilà. Je vais faire le houmous en entrée. Ah bah voilà, il y aura un houmous. Surprise. Voilà. Voilà, le jeudi 12, on fait un saut dans le temps. Alors, le 10 mars, si je ne me trompe pas, il y a une manifestation, il y a un rassemblement de soutien à 10h30 devant V2 contre en soutien aux travailleurs et travailleuses de Carsat à Villeneuve-d'Ascq. Ah. Voilà, donc j'ai vu ça, c'est un appel de CNT. Voilà, donc de mémoire, jeudi, j'espère que je ne me trompe pas. Et jeudi 12 mars. Eh bien, comme tous les jeudis, de 7h à 10h, il y a petit-déj vegan au Centre culturel libertaire. Tartines, confitures, café, thé infusion, pâte à tartiner, jus d'orange. Comment mieux démarrer sa journée qu'en venant rencontrer d'autres personnes au Centre culturel libertaire? Ouais. Donc, toujours jeudi, de 18h à 22h30, il y a le bar du centre LGBTQIF qui, en fait, ce soir-là, est en soutien aux UEEH, qui sont les universités d'été euroméditerranéennes des homosexualités. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? C'est 2 semaines de rencontres autour d'ateliers et de soirées gérées collectivement. Et donc ce bar se tient donc au centre, 19 rue de Condé, à Lille, et c'est le métro Porte d'Arras. Voilà. Je rajoute juste que le mercredi 11, du coup la veille, à 10h30, il y a la manifestation de soutien aux sans-papiers. Voilà. Donc, place de la République. Et donc le vendredi 13 mars, eh ben, il y a le 3e rendez-vous cantine au CCL de la semaine, 12h-14h. Ça fait drôle en le disant quand même. Ouais, voilà. Et puis, et samedi 14 mars... Je pense que ça vaut la peine de préciser que c'est, franchement, ça marche hyper bien, ces cantines. Et qu'encore ouais. aujourd'hui, il y avait, je sais pas quoi, il y a genre 50, 60 personnes qui sont passées. 50, plus 50 que 60. Ouais, on minimise toujours. Ouais, c'est ça, d'accord. Mais du coup, il y a tout ce monde-là. Ça, c'est vraiment l'occasion de discuter de vos luttes tout en prenant un bon repas végétalien. C'est à prix libre. Donc voilà, il n'y a pas de pression économique sur les personnes qui viennent manger. Et cette semaine, c'était sans gluten. Donc on a deux dates sans gluten. Voilà. Dans une semaine, samedi 14 à 14h30, il y a une manifestation au départ de la rue Lassigny à Montigny-en-Goële, donc dans le 6-2. Alors, je vous lis l'appel. Pour se souvenir et rendre hommage, pour exiger vérité et justice, pour obliger la juge à organiser une reconstitution. 2 ans et toujours pas de changement. Le 28 mars 2013, à Montigny-en-Goële, Laoucine Eit Omgar est tué dans sa rue de 5 balles par la police. C'est le 3e jeune de ce quartier abattu par des policiers. Comme d'habitude, les flics se cachent derrière la légitime défense et les médias salissent la mémoire des victimes, alors qu'une fois encore, un jeune issu d'un quartier populaire est assassiné. Comme toujours, les familles restent seules face au silence de la justice et de l'État. Le jeudi 19 mars aura lieu une décision importante concernant le dossier de Laoucine. En effet, la juge d'instruction a refusé une reconstitution et veut clôturer le dossier, alors que dans presque tous les cas, quand il y a un homicide, il y a reconstitution. Pourquoi ce refus? Y a-t-il quelque chose à cacher? Pour soutenir la famille et pour montrer que nous exigeons la vérité sur la mort de Laoucine, soyons nombreux et nombreuses. Et n'oublions pas les autres tombés aussi sous les coups et les balles de la police. Riyad Amlaoui, en 2000 à Lille. Hakim Djelassi, 2009 à Lille. Ali Ziri, 2009 à Argenteuil. Wissam Al-Ouamni, 2012 Clermont-Ferrand. Amine Bentounsi, 2012 à Noisy-le-Sec, Rémi Fraise, 2014 à Sivens, et Bertrand Nzoabonayo, en 2014 à Jouer-les-Tours. Donc il y aura des covoiturages depuis Lille qui seront organisés, et il faudra regarder sur Indymedia par exemple, parce que l'info est à venir. Voilà. Le même jour, au Centre culturel libertaire à 11h, aura lieu un arpentage, c'est-à-dire une lecture collective d'un livre, en l'occurrence celui de Léo Thiers Vidal, qui s'intitule « Rupture anarchiste et trahison pro-féministe ». Donc en fait, c'est plutôt un recueil de textes de Léo Thiers Vidal. Ok, donc et toujours le même jour, à l'Insoumise à 16h, il y aura un docu qui s'appelle « Sur les toits », qui sera présenté par son réalisateur. Donc c'est donc le pitch. En 1971 et 72, une série de mutineries secoue le lourd quotidien carcéral dans une trentaine de prisons françaises. À l'extérieur, le JIP relaie la révolte. Images d'archives et témoignages de toutes les parties reviennent sur cette grande vague de révolte qui a posé fiévreusement la question des conditions de détention et imposé une parenthèse de liberté. Voilà. Très bien, on est arrivé à la fin de l'agenda politique et militant de Lille et des environs. Et avant de passer à la suite, je vais juste introduire le prochain morceau, qui est le morceau Glory Box de Portishead, un album qui est sorti il y a longtemps, au moins avant 1994, dans l'album Demi de Portishead. Et voici ce qu'on disait. Alors, faut savoir que Glory Box, en fait, c'est le trousseau. Donc c'est le trousseau, c'était ce qu'autrefois les femmes devaient constituer et comme don à la personne qu'elles allaient épouser, et donc en anglais Glory Box. Et donc en 1994, elle dit la phrase clé de la chanson Glory Box est « Poussez-vous et faites-nous un peu d'espace », qui s'adresse aux hommes. Et elle dit « C'est parce que je pense que les femmes, ce que font les femmes dans la sociabilisation est particulièrement et souvent considéré juste comme un dû, quelque chose qui doit arriver. » Et donc elle ajoute je ne suis pas une personne, je suis plus une personne facile qu'une féministe enragée. Ça fait un peu écho au titre du au titre du documentaire sur Christine Delphi. Donc elle dit je suis plus une personne facile qu'une féministe enragée, mais les femmes en général soutiennent beaucoup les hommes, et d'ailleurs l'histoire a transformé les femmes pour qu'il en soit ainsi. Mais ce n'est pas quelque chose qui est toujours vraiment réciproque. Voilà, donc c'est ce morceau-là qui passe maintenant. Bonsoir, on est de retour dans l'émission La Voix sans maître sur Radio Campus Lille 106,6 MHz. Les boutons sont durs à appuyer. Et donc, on vient d'écouter Glory Box de Portishead et sur on l'album a... Demi. On a oublié que vous pouvez nous appeler pendant les pauses musicales au 03 20 91. Ah non, c'est pas ça, si. Non, oui, c'est ça. 03 20 91 24 00. Voilà. Voilà, il y a deux numéros de téléphone, on se fait tout le temps avoir. On sait voilà. Jamais lequel employé. N'appelez pas le secrétariat. Enfin, vous pouvez appeler le secrétariat sur là, j'imagine qu'il n'est pas ouvert. Voilà, mais surtout, ouais, appelez pendant les pauses musicales, sinon on répondra juste pas. Voilà, et donc là, donc maintenant, tu vas nous parler d'un procès qui a eu lieu suite à une violence policière. C'est ça. Donc, c'est un article. Donc, je chope les infos d'un article que j'ai trouvé sur Rue 89. Donc, il relate le procès qui s'est ouvert il y a quelques jours à Bobigny. Donc, c'est un procès d'un flic qui a tiré au flashball et qui a grièvement blessé un lycéen de 16 ans, qui s'appelle Geoffrey Tidjani. Et donc, il a été grièvement blessé par un tir qu'il a atteint en plein visage, à Montreuil, en Seine-Saint-Denis, lors d'une manifestation lycéen contre la réforme des retraites en octobre 2010. Donc, il a été atteint en plein visage. Bilan, 6 interventions chirurgicales, et on lui en promet une tous les 10 ans pour sauver le peu de vision qu'il reste en fait à son œil gauche. Donc le procureur a demandé au tribunal correctionnel de Bobigny de condamner l'auteur du tir à un an de prison. Attends, ouais, c'est ça, un an de prison avec sursis. Et des mesures qui signeraient la fin de sa carrière, en fait. Puisque, en fait, il lui demande l'interdiction d'exercer son métier pendant 2 ans et de porter une arme pendant 5 ans. Alors, le plus grave dans cette affaire, en fait, c'est que, enfin, outre le fait que Geoffrey, il a un peu, à moitié perdu son œil gauche, c'est que, tout ça s'est passé il y a 4-5 ans. Et puis, en fait, c'est que sans une vidéo amateur qui filme Geoffrey au moment où il se prend le projectile, et ben c'est lui qui aurait pu, comme nombre de camarades, se voir accusé de violence sur agent, en fait. Parce que, outre les violences volontaires, le keuf est poursuivi pour faux et usage de faux en écriture publique, puisqu'il affirme que Geoffrey lui aurait lancé des canettes ou des pavés et s'apprêtait à recommencer quand il a tiré, quoi. Alors sur la vidéo, on voit l'adolescent donc qui est sur le site de Rue 89. On voit l'adolescent marcher vers une poubelle assez tranquillement, comme l'ont fait des centaines de lycéens lors des blocus. Donc on le voit toucher la poubelle, il la déplace, puis en fait il porte la main à la tête. On voit pas la balle de flashball. Alors il porte la main à la tête, il marche, il titube, il fait quelques pas, et puis avant que tous ses amis en fait lui viennent en aide. Alors Rue 89 précise qu'il y a au moins 26 personnes qui sont gravement blessées par un tir de flashball en France, et on compte un mort. Apparemment le procès de Bobigny était le troisième procès dans le cas de quelqu'un de blessé par un flashball. Et pour ce cas-là, le cas de Geoffrey, le tribunal doit rendre son jugement le 2 avril. Donc l'article est pas mal. Alors il détaille un peu ce que c'est qu'un flashball, par quoi il risque d'être remplacé, et puis il donne des détails sur cette triste affaire, quoi, comment les keufs ne se démontent pas alors qu'il y a une vidéo et l'infirmière du lycée qui contredisent leur témoignage, quoi. C'est un peu gerbant, quoi. Voilà. Oui, c'est gerbant, mais quand on voit le nombre d'accusations fausses faites par la police, notamment contre des, ou en tous les cas qui n'ont pas été reconnues en justice à Calais, où des plein de militants et de militantes se sont retrouvés à des procès à répétition avec systématiquement des relax, bien oui, évidemment, c'est un cas. Encore là, il n'y a pas forcément de vidéo, mais bon, qui montre qu'il y a une utilisation offensive de la justice contre les militants. C'est même pas de la criminalisation, en fait, c'est de la judiciarisation. C'est comment épuiser les gens avec des procès. Du coup, là, en l'occurrence, c'est l'inverse. Ils mentent ouvertement, ils s'en foutent. Dans le genre, il y a à Calais, là, il y a le tribunal administratif de Melun qui a considéré que le préfet avait de Calais avait commis un détournement de pouvoir en prenant des arrêtés d'expulsion du territoire dans le seul but d'appliquer des mesures de police municipale. À Calais, le préfet du Pas-de-Calais donc avait ordonné le démantèlement d'un campement installé sur l'aire de distribution des repas à Calais, rue de Moscou. Et donc 205 personnes avaient été interpellées et transférées vers 7 centres de rétention éloignés de Calais. Donc, alors, cette fois-ci, il y a un Afghan qui a réussi à porter plainte et à accuser le professe. C'est un cas extrêmement rare. En général, les migrants n'ont pas le temps ou pas la possibilité, ou alors il y a trop de freins dans la réception des plaintes ou des demandes pour qu'il y ait un jour un procès qui se fasse en plus contre un préfet. Donc il y avait deux points, c'était et les gens ont reçu des OQTF. Donc la première chose, c'est que les OQTF avaient été délivrés sans effectuer de démarche pour rendre juridiquement possible leur application. En plus, elle avait été délivrée non pas pour expulser une personne, mais pour faciliter l'évacuation du domaine public, donc ce qui constitue en l'occurrence un détournement de pouvoir. Alors on pourrait se dire qu'on s'en fout, c'est la petite tambouille juridico-politique de leur côté. Ça reste toujours bon à prendre, une condamnation de la préfecture qui, un peu comme les policiers de Bobigny, ne se démontent pas en disant que de toute façon c'est un truc qui est passé et que maintenant on est passé à autre chose et qu'il y a quand même besoin de se débarrasser des migrants à Calais. Bref, ils s'en foutent, ils continuent et ils tapent encore et encore. On va passer un morceau de musique avant de passer à la suite. La suite, du coup, ce sera la présentation de ce bouquin sur intitulé « Manifeste d'une femme trans » et la lecture de certains passages. Et pour passer à ce morceau-là, on va passer un morceau de « Against Me » qui s'appelle, si je ne me trompe pas, voilà, « Transgender Dysphoria ». Et donc « Against Me », donc un groupe de punk rock formé en 1999 par Laura Jane Grace en Floride, dont la chanteuse a, en 2002... outer le fait qu'elle était coming outer le fait qu'elle était une femme. Et donc voilà, c'est parti pour Transgender Dysphoria de Against Me. We'll be right back. Et vous êtes bien dans l'émission de La Voix sans maître sur Radio Campus. Et c'est Isidore qui va nous lire des passages de... Manifeste d'une femme trans et autres textes de Julia Serrano, traduit de l'anglais par Noémie Grunewald. Alors, le 15 février, au centre... au J'en suis, j'y reste. Noémie Grunewald est venue présenter ce texte donc qu'elle a traduit et qu'elle a, pour cette publication. De quoi il s'agit ? Il s'agit d'extraits du livre de Julia Serrano qui s'appelle Weeping Girl. Et les traductrices, en particulier Noémie Grunewald, ont sélectionné 6 chapitres de ce livre. Qui ont l'avantage, dit-elle, de suffire à eux-mêmes et qui paraissent particulièrement pertinents dans le contexte francophone. Voilà. Par ailleurs, parmi les notes de traduction, il y a le choix de féminiser le texte, puisqu'en français, la règle de grammaire, le masculin l'emporte sur le féminin, donc une règle qui inscrit le patriarcat dans la langue, et donc il s'agit évidemment de ne pas la respecter. Donc il y a d'autres notes qui sont très intéressantes. Je ne vais pas toutes lire parce que d'un bout à l'autre, ce texte, ce bouquin et les notes qui les associent montrent l'extrême souci pris par les personnes qui l'ont fait tous les rapports de domination et en particulier ici au rapport de domination masculine, la domination masculine et au patriarcat. Juste en dire un petit peu plus en disant que c'est sorti aux éditions Time Party, qui sont des éditions tout à fait intéressantes. Alors là, à nouveau, il y a plein de détails qui sont très plaisants, comme par exemple, juste au-dessus de l'ISBN, le fait d'indiquer qu'il n'y a pas de copyright pour l'introduction, pas de copyright pour la couverture, et une petite note qui dit « Le photocopiage tue l'industrie du livre, le plus tôt sera le mieux ». Voilà. Sur le site, il y a écrit qu'il n'y a pas de majuscule à Time Party, parce que les personnes qui font Time Party n'aiment pas les majuscules. Si le photocopiage tue l'industrie du livre, il fait vivre son contenu, toute initiative de diffusion privée est la bienvenue. Voilà, j'en dis juste un peu plus sur Time Party. Ça traite de sujets divers, donc notamment ici Lila Chouli, donc Burkina Faso, chronique d'un mouvement social. Pauline Rosenkraus, Duro Compañeros, Oaxaca, 2006, récit d'une insurrection mexicaine. Femme en flagrant délit d'indépendance, Gail Feterson, etc. On avait reçu à Lille Pauline Rosenkraus pour son bouquin d'ailleurs, Duro Compañeros. Et c'est une super édition. Et qui a repris du poil de la bête récemment, et donc c'est bien. J'ajoute que ce livre, donc Manifeste d'une femme trans, accompagné d'un glossaire qui explique de manière très claire plein de termes, donc butch, cissexuel, cissexisme, coming out, être outé, FTM. Genré, mégenré, mégenrement, passé, queer, sexe subconscient, sexe physique, straight, transgenre, voilà, toutes ces choses-là, et donne également tout un ensemble d'informations et de sites qui sont pertinents et qui sont notamment connus à Lille, notamment le blog Lacets Rouges et Vernis Noir, http://pink.reverie.info, je vais maintenant juste présenter rapidement le contenu du livre. Donc il y a une note de la traductrice, il y a le texte manifeste qui donne le nom au bouquin qui s'appelle Manifeste d'une femme trans. Il y a un texte qui s'appelle Coureur de jupons, quand les médias représentent la révolution trans en talons rouges en talons et rouge à lèvres, démanteler le privilège cissexuel, le genre expérientiel, chirurgie de déconstruction, déclaration d'amour, et donc ces références bibliographiques, ce glossaire, et pour aller plus loin. Voilà, donc je vais passer maintenant directement à la note de la traductrice, que je lis voilà, directement, en essayant de pas reprendre pour moi ce qu'elle y met, mais en essayant de pas me tromper, de modifier un tout petit peu le texte pour que ça apparaisse. Dans un premier temps, il convient de définir certains termes employés par l'auteur dans le respect des définitions qu'elle donne dans le premier chapitre de son livre. Le terme transsexuel s'emploie pour qualifier une personne s'identifiant et vivant dans le genre opposé à celui qui lui a été assigné à la naissance. Une femme transsexuelle est une femme qui a été assignée garçon à la naissance. Un homme transsexuel est un homme qui a été assigné fille à la naissance. Afin d'être reconnue dans le genre auquel elle s'identifie, les femmes transsexuelles font une transition sur un spectre MTF, donc male to female. De leur côté, les hommes transsexuels font une transition sur un spectre FTM, female to male. Les termes MTF et FTM sont des adjectifs décrivant les parcours de transition. Le terme transgenre peut être employé pour qualifier des personnes qui sont ou qui ont été dans une position défiant les normes sociales liées au genre. C'est un terme très vaste, le terme transgenre, et donc parfois un peu imprécis, ajoute la traductrice, regroupant les personnes qui vivent leur genre en dehors de la binarité homme-femme. Et donc, on parlera des personnes transgenres, genderqueer, genderfluid, bigenre. Il y a aussi les personnes ayant une expression de genre ne correspondant pas aux normes sociales généralement associées au genre auquel elles appartiennent. Les lesbiennes butch, les travestis, les drag queens, les drag kings. Ou encore les personnes qui vivent et s'identifient dans le genre opposé à celui qui leur a été assigné à la naissance. Voilà. Donc j'arrête ici pour la lecture de la note de traduction. Elle explique ensuite les difficultés qu'elle a eues à retranscrire en français certains des concepts qui sont écrits par Julia, développés par Julia Cerone dans son livre. Voilà. Maintenant je vais passer à quelques extraits du texte de Julia Cerone directement, qui s'appelle « Manifeste d'une femme trans ». Lorsqu'elle dit « nous », je dirais elle. Ce manifeste en appelle à la fin de tout ce qui partout déshumanise les femmes trans, les tourne en ridicule et les désigne comme boucs émissaires. Dans ce manifeste, le terme de femme trans s'applique à toute personne assignée garçon à la naissance qui s'identifie ou et vit en tant que femme. Ni la capacité d'une personne à passer en tant que femme, ni ses niveaux hormonaux ou l'état de ses organes génitaux ne devraient être des critères sélectifs délimitant le terme de femme trans. Après tout, il est simplement sexiste de réduire n'importe quelle femme, trans ou non, à une partie quelconque de son corps ou d'exiger que son apparence corresponde à un quelconque idéal imposé par la société. Les femmes trans constituent probablement la minorité sexuelle la plus incomprise et décriée. Leur communauté a été systématiquement pathologisée par le corps médical et psychiatrique, mise en scène et ridiculisée par les médias, marginalisée par les organisations lesbiennes et gays mainstream, exclue par certaines fractions du mouvement féministe, et elles ont à de trop nombreuses reprises été les victimes de la violence des hommes qui les considèrent quelque part comme une menace pour leur masculinité et leur hétérosexualité. Au lieu d'avoir l'opportunité de parler elles-mêmes de leur propre problématiques de vie, elles sont davantage traitées comme des objets d'étude, les autres les installent sous leur microscope, dissèquent leur vie et leur attribuent des motivations et des désirs censés valider leurs propres thèses et théories sur le genre et la sexualité. Si les femmes trans sont ainsi ridiculisées et méprisées, c'est parce qu'elles sont dans une position unique située juste à l'intersection de plusieurs formes d'oppression basées sur la binarité de genre, la transphobie, le cissexisme et la misogynie. La transphobie est une peur irrationnelle, une aversion, une discrimination à l'encontre de toutes les personnes dont l'identité, l'apparence ou le comportement transgressent les normes sociales liées au genre. Par ailleurs, les personnes homophobes sont bien souvent simplement influencées par leur propre tendance homosexuelle refoulée. De la même manière, la transphobie est surtout et avant tout l'expression d'une angoisse individuelle de devoir correspondre aux idéaux de genre. La transphobie chronique dont souffre notre société, je reprends notre ceci, est un symptôme de la pression colossale qui s'exerce sur les individus dans le but de les faire intégralement correspondre aux attentes, évidences, limites et privilèges associés au sexe qui leur a été assigné à la naissance. Si toutes les personnes transgenres subissent la transphobie, les personnes transsexuelles subissent également une autre forme, comparable mais distincte, d'oppression, le cissexisme. Le cissexisme relève d'une croyance. Les personnes cissexistes considèrent le genre d'une personne transsexuelle comme inférieur ou moins authentique que celui d'une personne cissexuelle, c'est-à-dire quelqu'un ou quelqu'une qui n'est pas transsexuel et qui a toujours vécu une correspondance entre son sexe physique et son sexe subconscient. Le cissexisme s'exprime habituellement lorsque quelqu'un ou quelqu'une tente de refuser à une personne transsexuelle les privilèges de base associés au genre auquel elle s'identifie. Par exemple, on citera notamment les personnes qui utilisent de manière intentionnelle et obstinée de mauvais pronoms lorsqu'elles s'adressent à une personne trans, ou encore celles qui insistent pour qu'une personne trans utilise des toilettes publiques différentes. Elles se justifient ensuite en niant l'authenticité du genre des personnes trans, dans la mesure où celui-ci ne correspond pas au sexe qui leur a été assigné à la naissance. Si leurs expressions concrètes diffèrent souvent, le cissexisme, la transphobie et l'homophobie prennent toutes trois racines dans le sexisme oppositionnel, qui est la croyance que femmes et hommes sont des catégories rigides, mutuellement exclusives, possédant chacune un panel d'attributs, d'aptitudes, de capacités et de désirs spécifiques distincts et dissociés. Les personnes défendant des thèses sexistes oppositionnelles cherchent à punir ou à discréditer celles et ceux d'entre elles qui s'expriment ou d'entre nous qui s'expriment en dehors des normes de genre et de sexe, parce que notre existence, ou leur existence, menace l'idée selon laquelle femmes et hommes sont de sexe opposé. Je reprends plus loin. Quand une personne trans est ridiculisée ou discréditée, avant tout pour son appartenance au genre féminin ou ses expressions de féminité, et non pas seulement pour sa non-correspondance aux normes de genre, elle devient alors victime d'une forme spéciale de discrimination, la transmisogynie. Quand la plupart des blagues faites à l'encontre des femmes trans, des personnes trans, pardon, se focalisent sur, entre guillemets, les hommes qui portent des robes ou les hommes qui se font couper le pénis, ce n'est pas de la transphobie, c'est de la transmisogynie. Je reprends plus loin. Pour une société articulée autour d'une hiérarchie de genre androcentrée, où l'on part du principe que les hommes sont meilleurs que les femmes et la masculinité est supérieure à la féminité, il n'y a pas de plus grande menace que l'existence de femmes trans qui, bien que nées garçons et censées hériter des privilèges masculins, entre guillemets, choisissent au contraire d'être femmes. D'une certaine manière, en revendiquant leur genre féminin et en embrassant leur propre féminité, elles sèment le doute sur la suprématie supposée du genre masculin et de la masculinité. Afin d'endiguer la menace qu'elle représente pour la hiérarchie androcentrée des genres, leur culture, principalement via les médias, notre culture, pardon, elle parle bien de la culture occidentale, hein, ici, principalement via les médias, utilise chaque tactique de son arsenal sexiste traditionnel pour discréditer les femmes trans et les isoler. Je vais accélérer un petit peu, désolé. Les femmes, les médias les hyperféminisent en illustrant les histoires de femmes trans par des images les montrant en train de se maquiller, de porter des robes et des chaussures à talons, afin de souligner la entre guillemets, frivolité supposée du genre féminin. Les médias les hypersexualisent également en donnant l'impression que la plupart des femmes trans sont travailleuses du sexe ou sont des usurpatrices et prédatrices sexuelles. Les médias chosifient les corps des femmes trans en mettant en scène la chirurgie de réassignation de sexe et en parlant abondamment et ouvertement de leur vagin artificiel, entre guillemets, sans la moindre pudeur habituellement associée aux discussions sur la génitalité. Je reprends plus loin. Plus que les discriminations anti-trans sont imbibées de sexisme traditionnel, il ne suffit pas pour les activistes trans de simplement braver les normes de genre binaire, c'est-à-dire le sexisme oppositionnel, elles doivent aussi contester l'idée selon laquelle la féminité serait inférieure à la masculinité et le genre féminin inférieur au genre masculin. En d'autres mots, l'activisme trans doit être à la base nécessairement un mouvement féministe. Je reprends plus loin. Le féminisme ne peut plus désormais se contenter de se battre uniquement pour les droits de celles à qui on a assigné un sexe féminin à la naissance. Si pendant des années cette stratégie a permis d'élargir les perspectives de nombreuses femmes, elle se heurte aujourd'hui à un profond de verre qu'elle a elle-même contribué à créer. Si le mouvement féministe a travaillé dur pour encourager les femmes à s'approprier des domaines auparavant réservés aux hommes, de nombreuses féministes ont pourtant été au mieux mitigées, au pire récalcitrantes à l'idée que des hommes puissent s'exprimer et extérioriser des traits féminins ou intégrer certaines femmes sphères considérées traditionnellement comme féminines. Je vais aller directement à la conclusion, désolé, il n'y a plus assez de temps. C'est seulement en s'écartant de l'idée qu'il existe des sexes opposés et donc en abandonnant les représentations culturelles conduisant à une valorisation inégale des expressions de féminité et de masculinité que les femmes trans pourront, que nous pourrons, c'est plus large ici, que nous pourrons finalement nous approcher de l'égalité entre les genres. En nous attaquant simultanément au sexisme oppositionnel et au sexisme traditionnel, nous avons la possibilité de rendre le monde plus sûr pour celles d'entre nous ou d'entre elles qui sont queer, féminines et ou femmes, tout en donnant de la force aux personnes de tous les genres et de toutes les sexualités. Voilà, donc ça vaut vraiment la peine de lire ce texte en entier, au calme, mieux qu'à la radio, par moi en tout cas. Mm-hmm. Du coup, ce texte de Julia Serrano qui s'appelle Manifeste d'une femme trans, qui est disponible au CCL. Au CCL, évidemment, ouais. Dans la bibliothèque, qui sera acheté en nombre d'ici peu de temps, et donc disponible à l'achat, ouais, à la librairie, et également, évidemment, d'aller, par exemple, tous les jeudis soirs au bar du centre. Du Jean-Cy Gireste. Ouais. Et peut-être on dit juste que la ZAD du testé s'est fait, parce qu'on n'a trop pas eu le temps d'en parler, quoi. Ouais. Et qu'il y avait un rassemblement ce soir, ouais, à Lille. Il s'est fait évacuer. On n'a, voilà, pas pu aller, parce qu'on allait à la radio. Ouais, donc on vous fait des bisous, il nous reste une minute et on va laisser la place à... Bricolage pour tous. Ouais. Et pour toutes, j'espère. Ouais, en plus. Hein, vous êtes d'accord? Oui, ils sont d'accord, ils sont d'accord. Ils opinent de alors, la tête. Alors comme c'est moi qui les commande, il faut que j'appuie où et qu'est-ce que je fais, quoi. D'accord. Pirate sanguinolent, je peux t'aider à battre fortune. Je possède une pierre de lune.